notyourfan.com, la radio. Rendez-vous sur notre page Facebook Not Your Fan My Radio. Nous vous avons partagé l'information il y a quelques jours sur la page Facebook de Not Your Fan. À quelques jours de la fin de ce projet sur Kiss Kiss Bang Bang, l'envie d'en remettre une couche avec le numéro 1 de cette chronique solidaire est là, donc spéciale dédicace à Balafonic Sound System. Si nous vous parlons de ce projet Kiss Kiss Bang Bang aujourd'hui, c'est parce qu'il a été lancé par un musicien de notre région, Alexandre Scalizzi, dit Alex. À la base batteur, il est devenu, avec les expériences multi-instrumentalistes, il a, entre tant d'autres choses, créé le projet Balafonic Sound System il y a quelques années. À la base, Balafonic, c'est une carriole récupérée dans un jardin, jadis servant à la vente de lavande sur les marchés. Des instruments déjà présents, beaucoup d'heures de bricolage, de création sonore, d'audace et d'énergie. À ce jour, on y trouve un balafon du Burkina Faso, un didgeridoo australien, creusé dans un mas d'agave par l'artiste, s'il vous plaît, une strutibox indienne, une guimbarde vietnamienne, une flûte traversière issue du classique ou encore des grelots de danse indienne. Tous ces instruments traditionnels sont savamment mêlés par une loupe nommée Brigitte, plusieurs claviers, beatbox, machines diverses. Sur fond de musique électronique aux saveurs hip-hop, trip-hop, dub, trance ou encore drum and bass, ce musicien, tel un distilleur sonore, ose unir l'ensemble avec tant de créativité qu'il fait tomber toute frontière. Savant mélange de tonalités, il obtient un langage universel sonore qui enivre. Pas d'anglais, pas de français, pas de langage, juste un dialecte qui touche directement l'âme. Point trop de blabla n'en faut pour illustrer cet artiste, le premier titre choisi, Mother Earth of All Gods, qui est aussi le nom de l'album disponible depuis le mois d'août en autoproduction. Vous pouvez aussi le trouver sur des plateformes ou direct en le demandant via la page Facebook de Balafonic Sound System. Sina, hey, they sina, my teacher. Ima di shan, soma di fan, soma di an. Sonne le madi shom, sale madi so sham. Dalena ay, liki ma son de sa an. Fonde le soma di shan, de ale so fan de fan. Sale madi so sham, dalena man. Fonde le so sam. Ima di shan, soma di fan, soma di san. Sonde le madi shom, sale madi so sam. Dalena ay. Ricky Massa de Saan. Quand on entend ce son, forcément, on n'a qu'une envie, c'est de parler de ce projet Kiss Kiss Bang Bang. Parce que finalement, c'est quoi ? Bah, c'est le rêve d'un musicien, c'est le rêve d'Alex de rajouter une vieille à roue électronique qui actuellement est en fabrication, voire en cours de finition, dans un atelier situé dans le Périgord qui n'est autre que celui de Philippe Moustier. Si vous allez faire un tour sur la page Kiss Kiss Bang Bang, vous pourrez admirer la beauté de cet instrument, mais aussi y apprendre beaucoup de choses sur qui est Alex Kalidzi. Plus grosse chose à faire, puisqu'à l'heure où sont enregistrés ces mots, il reste moins de 20% à atteindre pour que le projet voie le jour. Et puis, de toute façon, s'il y a un peu plus, il y a d'autres projets, d'autres vidéos, d'autres échanges avec d'autres musiciens. Les projets et la créativité ne manquent pas. Voilà quelques semaines que ce projet de Vielle à roue a été lancé sur Kiss Kiss Bang Bang. Et au fur et à mesure de l'avancée du projet, Alex nous a fait le bonheur de nous concocter des petits morceaux freestyle. Il y en a eu deux que je vous invite à aller découvrir sur la page YouTube de Balophonic Sound System ou sur la page Kiss Kiss. Et puis, là, il y a quelques jours, tout chaud et à la demande générale, il y a eu l'enregistrement de Funky Monkey qui n'était pas disponible pour le moment et qui est un pur bonheur. Et pour cause, il invite à libérer l'expression du petit singe qui est en nous. Et ça, c'est pas si souvent. Funky Monkey de Balafonic Sound System, c'est tout de suite et c'est sur Not Your Fun Radio. Funky Monkey. Woo-hoo-ha-ha! scratch. Maligne sans délai, me font qui pop. Maligne sans délai, m'a dit chaud. Maligne sans délai, jamais aya. Maligne sans jungle. Maligne sans déjà. Maligne sans jungle. Maligne sans déjà. Maligne sans jungle. Maligne sans déjà. Maligne sans déjà. Wally Wallou, Balafonic Sound System, ben c'est tout ça. Alors n'hésitez pas à cliquer, participer, partager, en parler. Et puis encore mieux, si vous le voyez en concert près de chez vous, ben n'hésitez pas. C'est de la pure énergie, c'est du pur bonheur. Et d'ailleurs, le 27 septembre, il joue à Vendargue, chez nos voisins de chez Poulette. Vous pouvez trouver les autres dates sur nellyproduction.fr ou sur la page Facebook de Balafonic. Et puis pour finir, une grosse incitation à aller visionner la vidéo qui a été faite par le Chaudron des images et des sons pour une émission Histoire d'être ordinaire, qui vous en dit beaucoup sur cet artiste et qui est très joliment réalisée. Nous finirons le numéro 1 de cette chronique solidaire par un deuxième morceau, toujours issu de cet album sorti au mois d'août. Il s'appelle Sick, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est sur Not Your Fan Radio. À tout bientôt, bel instant à vous. Also a seed of consciousness. See, what's happening is today is everything is chaos. Yes. Environmental chaos, physical chaos, emotional chaos, mental chaos, spiritual chaos, total chaos. But everything in creation, in the universe, has a purpose. have to plant also a seed of consciousness. See, what's happening is today is everything is chaos. We have environmental chaos, physical chaos, emotional chaos, mental chaos, spiritual chaos, total chaos. But everything in creation, in the universe, has a purpose. NotYourFan.com, la radio. Écoutez-nous, écoutez-vous.